Je suis pas d'un vrai motif. Tout le temps je pardonne, ça dépend le motif. Un petit polo coq sportif. Ça fait le mzango au quartier, ça cotise. Que elle raconte des sottises. C'est vrai que je tease, mais je suis même pas sorti. Basket sur bête assorti. Ça rencontre tes sous, il faut bien mordir. Nairobi, Nairobi. J'ai dans le sang, ma Nairobi. Nairobi, Nairobi. Toujours ensemble, c'est ma Nairobi. Oh, Nairobi. Je suis pas là de la semaine, obligé de la sortir. Rien à voir, elle se mêle, elle m'a pris la testa. Des fois on se parle même pas, on a rien à se dire. Des fois on se décolle pas, on va faire la fiesta. Ça sert à R de mentir, on va rien se cacher. C'est vrai que je voulais partir, mais t'as rien arrangé. Elle aime pas me voir aller sur Insta ou TikTok. Elle aime trop râler, elle me dit faut trancher. Nairobi, Nairobi, je l'ai dans le sang, ma Nairobi. Nairobi, Nairobi. Toujours ensemble, c'est ma Nairobi. Oh, Nairobi, oh, Nairobi. Je l'ai dans le sang, ma Nairobi. Oh, Nairobi, Nairobi. Toujours ensemble, c'est ma Nairobi. Je suis pas trop les ouais, prendre d'avant pour proxy. Ça rode en féfé, ça écoute du Tupac. Posé à la messe tranquille avec Nairobi. Devant le plasma, elle fait son aérobie. Je suis pas trop les ouais, prendre d'avant.